Chapitre 9e. Le pavillon d'André. La route ne fut qu'un long baiser échangé entre la mère et le fils. Ainsi, cet enfant, car son cœur n'avait pas douté un instant que ce fût lui, cet enfant qui lui avait été enlevé dans une nuit terrible, nuit d'angoisse et de déshonneur, cet enfant qui avait disparu sans que son ravisseur laissât d'autres traces que l'empreinte de ses pas sur la neige, cet enfant qu'elle avait détesté, maudit d'abord, tant qu'il n'avait pas entendu son premier cri, recueilli son premier vagissement, cet enfant qu'elle avait appelé, cherché, redemandé, que son frère avait poursuivi dans la personne de Gilbert jusque sur l'océan, cet enfant qu'elle avait regretté 15 ans, qu'elle avait désespéré de revoir jamais, auquel elle ne songeait plus que comme on songe à un mort bien-aimé, à une ombre chérie, cet enfant, voilà que tout à coup, là où elle devait le moins s'attendre à le rencontrer, il se retrouve par miracle. Par miracle, il la reconnaît, court après elle à son tour, la poursuit, l'appelle sa mère. Cet enfant, voilà qu'elle le tient sur son cœur, le presse contre sa poitrine. Voilà que, sans l'avoir jamais vu, il l'aime d'un amour filial, comme elle l'aime d'un amour maternel. Voilà que sa lèvre, pure de tout baiser, retrouve toutes les joies de sa vie perdue dans le premier baiser qu'elle donne à son enfant. Il y avait donc au-dessus de la tête des hommes quelque chose de plus que ce vide où roulent les mondes. Il y avait donc dans la vie autre chose que le hasard et la fatalité. Rue Coquéron, numéro 9, à la première porte cochère en partant de la rue Plâtrière, avait dit la comtesse de Charny. Étrange coïncidence qui ramenait, après 14 ans passés, l'enfant dans la maison même où il était né, où il avait aspiré les premiers souffles de la vie, et d'où il avait été enlevé par son père. Cette petite maison, achetée autrefois par le père Tavernet, lorsqu'avec cette grande faveur dont la reine avait honoré sa famille, un peu d'aisance était rentrée dans l'intérieur du baron, avait été conservée par Philippe de Tavernet et gardée par un vieux concierge que les anciens propriétaires semblaient avoir vendu avec la maison. Elle servait de pied-à-terre au jeune homme quand il revenait de ses voyages, ou à la jeune femme quand elle couchait à Paris. Après cette dernière scène qu'André avait eue avec la reine, après la nuit passée auprès d'elle, André avait résolu de s'éloigner de cette rivale qui lui renvoyait le contre-coup de chacune de ses douleurs, et chez laquelle les malheurs de la reine, si grands qu'ils fussent, restaient toujours au-dessous des angoisses de la femme. Aussi, dès le matin, elle avait envoyé sa servante dans la petite maison de la rue Coquéron avec ordre de préparer le pavillon qui, comme on se le rappelle, se composait d'une antichambre, d'une petite salle à manger, d'un salon et d'une chambre à coucher. Autrefois, André avait fait, pour loger Nicole auprès d'elle, du salon une seconde chambre à coucher. Mais depuis, cette nécessité ayant disparu, chaque pièce avait été rendue à sa destination première, et la femme de chambre, laissant le bas entièrement libre à sa maîtresse, qui d'ailleurs n'y venait que bien rarement et toujours seule, s'était accommodée d'une petite mansarde pratiquée dans les combles. André s'était donc excusé près de la reine de ne point garder cette chambre voisine de la sienne, sur ce que la reine, étant si étroitement logée, avait plutôt besoin près d'elle d'une de ses femmes de chambre que d'une personne qui n'était point particulièrement attachée à son service. La reine n'avait pas insisté pour garder André, ou plutôt n'avait insisté que selon les strictes convenances, et vers 4 heures de l'après-midi, la femme de chambre d'André était venue lui dire que le pavillon était prêt. Elle avait ordonné à sa femme de chambre de partir à l'instant même pour Versailles, de réunir ses effets, que dans la précipitation du départ, elle avait laissé dans l'appartement qu'elle occupait au château et de lui rapporter le lendemain ses effets à la rue Coquéron. À 5 heures, la comtesse de Charny avait en conséquence quitté les Tuileries, regardant comme un adieu suffisant le peu de mots qu'elle avait dit le matin à la reine en lui rendant la faculté de disposer de la chambre qu'elle avait occupée une nuit. C'était en sortant de chez la reine, ou plutôt de la chambre attenante à celle de la reine, qu'elle avait traversé le salon vert où attendait Sébastien et que, poursuivie par lui, elle avait fui à travers les corridors, jusqu'au moment où Sébastien s'était précipité après elle dans le fiacre, qui, commandé d'avance par la femme de chambre, l'attendait à la porte des Tuileries, dans la cour des princes. Ainsi, tout concourait à faire pour André, de cette soirée, une soirée heureuse, et que rien ne devait troubler. Au lieu de son appartement de Versailles ou de sa chambre des Tuileries, où elle n'eût pas pu recevoir cet enfant, si miraculeusement retrouvé, où elle n'eût pu, du moins, se livrer à toute l'expansion de son amour maternel. Elle était dans une maison à elle, dans un pavillon isolé, sans domestique, sans femme de chambre, sans un seul regard interrogateur, enfin. Aussi était-ce avec une expression de joie bien sentie qu'elle avait donné l'adresse que nous avons inscrite plus haut et qui a fourni matière à toutes ces digressions. 6 heures sonnaient, comme la porte cochère s'ouvrait à l'appel du cocher et comme le fiacre s'arrêtait devant la porte du pavillon. André n'attendit pas même que le cocher descendît de son siège. Elle ouvrit la portière, sauta sur la première marche du perron, tirant Sébastien après elle. Puis, donnant vivement au cocher une pièce de monnaie qui faisait le double à peu près de ce qui lui était dû, elle s'élança, toujours tenant l'enfant par la main, dans l'intérieur du pavillon, après avoir fermé avec soin la porte de l'antichambre. Arrivée au salon, elle s'arrêta. Le salon était éclairé seulement par le feu brûlant dans l'âtre et par 2 bougies allumées sur la cheminée. André entraîna son fils sur une espèce de causeuse où se concentrait la double lumière des bougies et du feu. Puis, avec une explosion de joie dans laquelle tremblait encore un dernier doute, « Oh, mon enfant, dit-elle, c'est donc bien toi. »« Ma mère, » répondit Sébastien, avec un épanouissement de cœur, qui se répandit comme une rosée adoucissante sur le cœur bondissant et dans les veines fiévreuses d'André. « Et ici, ici !» s'écria André en regardant autour d'elle, en se retrouvant dans ce même salon où elle avait donné le jour à Sébastien et en jetant avec terreur les yeux vers cette même chambre où il avait été enlevé. « Ici, » répéta Sébastien, « que veut dire cela, ma mère ?»« Cela veut dire, mon enfant, que voici bientôt 15 ans. Tu naquis dans cette chambre où nous sommes. » Et que je bénis les miséricordes du Seigneur Tout-Puissant, qui au bout de 15 ans t'est miraculeusement ramené. Oh oui, miraculeusement, dit Sébastien, car si je n'eusse pas craint pour la vie de mon père, je ne fusse point parti seul et la nuit pour Paris. Si je ne fusse point parti seul et la nuit, je n'eusse point été embarrassé pour savoir celle des 2 routes qu'il me fallait prendre. Je n'eusse point attendu sur le grand chemin. Je n'eusse point interrogé M. Isidore de Charny en passant. Il ne m'eût point reconnu. Ne m'eût point offert de venir à Paris avec lui, ne m'eût point conduit au palais des Tuileries, et aussi, je ne vous eusse point vu au moment où vous traversiez le salon vert. Je ne vous eusse pas reconnu, je n'eusse point couru après vous, je ne vous eusse point rejointe, je ne vous eusse point enfin appelé ma mère, ce qui est un mot bien doux et bien tendre à prononcer. » À ces mots de Sébastien, si je n'eusse pas craint pour la vie de mon père, André avait senti un serrement de cœur aigu. Elle avait fermé les yeux et renversé sa tête en arrière. À ceci, M. Isidore de Charny ne m'eût point reconnu, ne m'eût point offert de venir à Paris avec lui, ne m'eût point conduit au palais des Tuileries. Ses yeux se rouvrirent, son cœur se desserra, son regard remercia le ciel, car en effet, c'était bien un miracle qui lui rendait Sébastien, conduit par le frère de son mari. Enfin, à ceci, je ne vous eusse point appelé ma mère. Ce qui est un mot bien doux et bien tendre à prononcer. Rappelée au sentiment de son bonheur, elle serra de nouveau Sébastien sur sa poitrine. « Oui, oui, tu as raison, mon enfant, dit-elle, bien doux. Il n'y en a qu'un plus doux et plus tendre, peut-être. C'est celui que je te dis en te serrant sur mon cœur. Mon fils, mon fils. » Puis il y eut un instant de silence, pendant lequel on n'entendit que le doux frémissement des lèvres maternelles sur le front de l'enfant. « Mais enfin !» s'écria tout à coup André. « Il est impossible que tout reste ainsi mystérieux en moi et autour de moi. Tu m'as bien expliqué comment tu étais là, mais tu ne m'as pas expliqué comment tu m'avais reconnu, comment tu avais couru après moi, comment tu m'avais appelé ta mère. « Puis-je vous dire cela ?» répondit Sébastien en regardant André avec une indicible expression d'amour. « Je ne le sais pas moi-même. Vous parlez du mystère. Tout est mystérieux en moi, comme en vous. Mais quelqu'un t'a donc dit au moment où je passais, « Enfant, voici ta mère. » « Oui, mon cœur. » « Ton cœur ? Écoutez, ma mère, je vais vous dire une chose qui tient du prodige. » André s'approcha encore de l'enfant, tout en jetant un regard au ciel, comme pour le remercier de ce qu'en lui rendant son fils, il le lui rendait ainsi. « Il y a 10 ans que je vous connais, ma mère. » André tressaillit. « Vous ne comprenez pas ?» André secoua la tête. « Laissez-moi vous dire. » J'ai parfois des rêves étranges que mon père appelle des hallucinations. au souvenir de Gilbert, passant comme une pointe d'acier des lèvres de l'enfant à son cœur, André frissonna. « 20 fois déjà je vous ai vu, ma mère, comment cela ? Dans ces rêves dont je vous parlais tout à l'heure. » André pensa de son côté à ces rêves terribles qui avaient agité sa vie, et à l'un desquels l'enfant devait sa naissance. « Imaginez-vous, ma mère, continua Sébastien, que tout enfant, lorsque je jouais avec les enfants du village et que je restais dans le village, mes impressions étaient celles des autres enfants. Rien ne m'apparaissait que les objets réels et véritables, mais dès que j'avais quitté le village, dès que je dépassais les derniers jardins, dès que j'avais franchi la lisière de la forêt, je sentais passer près de moi comme le frôlement d'une robe. Je tendais les bras pour la saisir, mais je ne saisissais que l'air. Alors, le fantôme s'éloignait. Mais, d'invisible qu'il était d'abord, il se faisait visible peu à peu. Dans le premier moment, c'était une vapeur transparente comme un nuage, semblable à celle dont Virgile enveloppe la mère d'Énée, quand elle apparaît à son fils sur la rive de Carthage. Bientôt, cette vapeur s'épaississait et prenait une forme humaine. Cette forme humaine, qui était celle d'une femme, glissait sur le sol plutôt qu'elle ne marchait sur la terre. Alors, un pouvoir inconnu, étrange, irrésistible, m'entraînait après elle. Elle s'enfonçait dans les endroits les plus sombres de la forêt, et je l'y poursuivais, les bras tendus, muet comme elle. Car quoique j'essayasse de l'appeler, jamais ma voix n'est parvenue à articuler un son, et je la poursuivais ainsi, sans qu'elle s'arrêtât, sans que je pusse la joindre, jusqu'à ce que le prodige, qui m'avait annoncé sa présence, me signalât son départ. Le fantôme s'effaçait peu à peu, mais il semblait autant souffrir que moi de cette volonté du ciel qui nous séparait l'un de l'autre. Car elle s'éloignait en me regardant, et moi, écrasé de fatigue, comme si je n'eusse été soutenu que par sa présence, je tombais à l'endroit même où elle avait disparu. Cette espèce de seconde existence de Sébastien, ce rêve vivant dans sa vie, ressemblait trop à ce qui était arrivé à André elle-même pour qu'elle ne se reconnût pas dans son enfant. « Pauvre ami, dit-elle en le serrant sur son cœur, c'était donc inutilement que la haine t'avait éloigné de moi. Dieu nous avait rapprochés sans que je m'en doutasse. Seulement, moins heureuse que toi, mon cher enfant, je ne te voyais ni en rêve ni en réalité. Et cependant, quand je suis passé dans ce salon vert, un frissonnement m'a prise. Quand j'ai entendu tes pas derrière les miens, quelque chose comme un vertige a passé entre mon esprit et mon cœur. Quand tu m'appelais madame, j'ai failli m'arrêter. Quand tu m'as appelé ma mère, j'ai failli m'évanouir. Quand je t'ai touché, je t'ai reconnu. Ma mère, ma mère, ma mère !» répéta 3 fois Sébastien, comme s'il eût voulu consoler André d'avoir été si longtemps sans entendre prononcer ce doux nom. « Oui, oui, ta mère !» répliqua la jeune femme, avec un transport d'amour impossible à décrire. « Et maintenant que nous nous sommes retrouvés, dit l'enfant, puisque tu es si contente et si heureuse de me revoir, « nous ne nous quitterons plus, n'est-ce pas ?» André tressaillit. Elle avait saisi le présent au passage en fermant à moitié les yeux sur le passé, en les fermant tout à fait sur l'avenir. « Mon pauvre enfant, murmura-t-elle avec un soupir, comme je te bénirais si tu pouvais opérer un pareil miracle. « Laisse-moi faire, dit Sébastien, j'arrangerai tout cela, moi. Et comment ?» demanda André. « Je ne connais point les causes qui t'ont séparé de mon père. » André pâlit. Mais, reprit Sébastien, si graves que soient ces causes, elles s'effaceront devant mes prières et devant mes larmes, s'il le faut. André secoua la tête. Jamais, jamais, dit-elle. Écoute, dit Sébastien, qui, d'après ces mots que lui avait dit Gilbert, enfant, ne me parle jamais de ta mère, avait dû croire que les torts de la séparation étaient à celle-ci. Écoute, mon père m'adore. Les mains d'André, qui tenait celle de son fils, se desserrèrent. L'enfant ne parut point y faire et peut-être n'y fit point attention. Il continua. Je le préparais à te revoir. Je lui raconterai tout le bonheur que tu m'as donné. Puis un jour, je te prendrai par la main, je te conduirai à lui et je lui dirai « La voici. Regarde, père, comme elle est belle. » André repoussa Sébastien et se leva. L'enfant fixa sur elle des yeux étonnés. Elle était si pâle qu'elle lui fit peur. « Jamais !» répétait-elle, « jamais !» Et cette fois, son accent exprimait quelque chose de plus que l'effroi. Il exprimait la menace. À son tour, l'enfant se recula sur son canapé. Il venait de découvrir, dans ce visage de femme, ces lignes terribles que Raphaël de Nosange irritait. « Et pourquoi ? » demanda-t-il d'une voix sourde. « Pourquoi refuses-tu de revoir mon père ?» À ces mots, comme au choc de nuages pendant une tempête, la foudre éclata. « Pourquoi ?» dit André. « Tu me demandes pourquoi ? En effet, pauvre enfant, tu ne sais rien. »« Oui, » dit Sébastien avec fermeté, « je demande pourquoi. »« Eh bien ?» répéta André, incapable de se contenir plus longtemps sous les morsures du serpent haineux qui lui rongeait le cœur. « Parce que ton père est un misérable, parce que ton père est un infâme !» Sébastien bondit du meuble où il était accroupi et se trouva debout devant André. « C'est de mon père que vous dites cela, madame » s'écria-t-il. « De mon père, c'est-à-dire du docteur Gilbert, de celui qui m'a élevé, de celui à qui je dois tout, de celui que seul je connais ?»« Je me trompais, madame, vous n'êtes pas ma mère !» L'enfant fit un mouvement pour s'élancer vers la porte. André l'arrêta. « Écoute, » dit-elle. « Tu ne peux savoir, tu ne peux comprendre, tu ne peux juger. »« Non, mais je puis sentir, et je sens que je ne vous aime plus. » André jeta un cri de douleur, mais au même instant, un bruit extérieur va faire diversion à l'émotion qu'elle éprouvait, quoique cette émotion l'eût momentanément envahie tout entière. Ce bruit, c'était celui de la porte de la rue qui s'ouvrait et d'une voiture qui s'arrêtait devant le perron. Il courut à ce bruit un tel frisson dans les membres d'André que ce frisson passa de son corps dans celui de l'enfant. « Attends !» lui dit-elle. « Attends et tais-toi » L'enfant, subjugué, obéit. On entendit s'ouvrir la porte de l'antichambre et des pas s'approcher de celle du salon. André se redressa, immobile, muette, les yeux fixes sur la porte, pâle et froide comme la statue de l'attente. « Qui annoncerai-je à madame la comtesse ?» demanda la voix du vieux concierge. « Annoncez le comte de Charny et demandez à la comtesse si elle veut me faire l'honneur de me recevoir. »« Oh !» s'écria André, « dans cette chambre, enfant, dans cette chambre, il ne faut pas qu'il te voie, il ne faut pas qu'il sache que tu existes. » Et il poussa l'enfant effaré dans la chambre voisine. Puis, en refermant la porte sur lui, « Reste là, » dit-elle, « et quand il sera parti, je te dirai, je te raconterai. Non, non, rien de tout cela, je t'embrasserai et tu comprendras. » Que je suis bien réellement, ta mère. » Sébastien ne répondit que par une espèce de gémissement. En ce moment, la porte de l'antichambre s'ouvrit, et son bonnet à la main, le vieux concierge s'acquitta de la commission dont il était chargé. Derrière lui, dans la pénombre, l'œil perçant d'André devinait une forme humaine. « Faites entrer, monsieur le comte de Charny, » dit-elle de la voix la plus ferme qu'elle put trouver. Le vieux concierge se retira en arrière, et le comte de Charny, le chapeau à la main, parut à son tour sur le seuil.